Ok. Non, je suis pas des leurs, on n'a pas le même délire. J'ai besoin d'un peu d'air, c'est rare que je dors. J'avance et je me dis que demain ça sera mieux ou ça sera pire. On fait avec, ouais, je les mets, je suis dans le poli. Tu croises la police, je fais des folies. La rue, le quartier, la zone, le parquet. Ok, moquez-vous, je vais vous choquer, vous foquer. Au max, je devais dépanner ma life, je suis pas cloqué. J'ai pas de double vie, je suis pas un double face. Toi, tu es un double fils d'eux, tu m'en fais que des crasses. Après, viens pas me dire, please, quand il y aura plus de place. Ok, ouais. Je déboule, dis pas que tu me connais pas. Je les bottes, coup de boule, non m'en voulais pas. Par les bandes de trous du cul, non mais tu te fous de qui? Teste-moi, je te découpe, si t'as ton équipe, j'ai mon équipe. Bup, bup, bup, c'est le bruit du KTM, tu te réveilles le matin. Pendant que des frangins sont réveillés tous les jours par des matons. Je serai le même du berceau à la tombe, tout traître à ma table. Nique sa mère la top qui en traître a fait des poussettes. Tu n'es qu'à Hassa Frank, que tu ramènes ta fraise. Tu dis des choses affreuses tout en faisant le balèze. C'est des fausses mes baleines, et ouais, mais je m'emballais. Ça va, tant que tu es à l'aise, je vis toujours en décalé. Ma vie est un cauchemar, ça fait le gentil toute la soirée. Pour critiquer, tu as attendu qu'on se barre. Putain, qu'est-ce qu'on se marre? Je suis l'ovni venu d'ailleurs, y'a marqué Bato Loco sur mon code barre. Big up parce qu'aime la vie, qu'ils soient enfin libérables. Dis pas s'il te plaît, je vais t'envoyer Manolo Rivera. Pendant que je serai dans mon bain en train d'écouter l'opéra, je fais des tours de bandit, je passe par le panier et l'opéra. Dans le banditisme, ça commence par se faire des supérettes et des tabacs. La monnaie, sujet tabou, pour ça le mec tabac et tabou. Changer de vie, mais lui c'est où t'habites? Il t'a mis un bip, pour lui c'est dans la boîte. Pour m'aider, tu me sors des fins, genre tu peux pas, tu es ton oncle. Mais pour aider des gadis, tu vas plus vite que ton homme. Y'a plus rien d'étonnant, y'a que du donnant-donnant. Il me casse les couilles avec autotune, je déguche au volant. Un big up aux gens, bien, à cœur ça me tient. Merci à ceux qui me croisent, qui me disent lâche pas, on soutient. Tu es le numéro uno, continue le boulot. Et les rageux qui niquent sa mère, qu'ils aillent se faire un coulo. Je lève le Yamaha, les pieds sur le siège arrière. Quand t'achètes des crosses, tu les mets pas droit, tu seras R. Y'a quoi ça sert quand je sais une Ferrari? C'est pour que maman dort mal et qu'elle se contrarie. Toi, tu aimes jouer les durs? Mais chez nous. Mais dis-moi, poteau, quel voyou timide? Nique les BDH, ils sont fous comme les habits de Ventimille. Sur moi, ils racontent des petits mythes, ils croient peut-être sa main timide. C'est chaud, visage caché posté à la sortie du ghetto. C'est chaud, les Schmitt, ils ont les gros, ils pourraient venir péter le charbon en Merco. Big up aux vaillants, à deux doigts des écrous. À celui qui va ramener la feuille de compte plein de trous. À celui qui crie à ra quand y'a la patrouille dans le zoo. Les clients, ils font la queue quand y'a la mouille là dans le four. Le monde devient fou, les petits sont des hommes. La violence, ils aiment, le vol, ils aiment, le racket, ils aiment. Des fois, ils vendent à la sauvette dans la zone, en plaquette ou en tonne, 500 mètres dans le zen, oh zen. Qu'est-ce que tu fais pour de bon, pour de l'oseille? Tu me salis, tu me critiques, non le zin. Chien très silencieux peut meurtrir fort le zin. Fais passer le message à ton voisin. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne. C'est la zone en personne, la zone en personne, la zone en personne, c'est qui? La zone en personne, c'est qui? C'est la zone en personne, c'est qui? C'est la zone en personne, c'est qui? La zone en personne. C'est qui?